quand est assassin et nous laisse peu de rêve. N'oublie pas qu'à la fin de l'histoire on crève. Ne perds pas en route, ne lâche pas tes rêves. Si tu crois pas en toi, tu meurs sans faire la guerre. Il est venu un peu trop tôt, mais ça y est, vous êtes une arme au coin de ta joue. T'appelle un accident de bécane, le bitume comme ma place. T'as pas eu le temps de dire au revoir, il est déjà trop tard. J'ai toujours fait des conneries, maintenant je regrette. Et ça me fait moins gaulerie à cause de ça. Je suis dégoûté de la vie, on m'avait pas prévenu qu'être avec toi c'était prédit. Maintenant j'ai conscience que j'ai mal agi. Et maintenant je regrette tout le mal que je t'ai fait. On était fait l'un pour l'autre et ça je m'en rendais pas compte. Et ça je m'en rendais pas compte quand j'étais pas bien, que je me défoulais sur toi et ça même pour un rien. On avance souvent les yeux fermés. Ouvre sa gueule, personne pour nous la fermer. Se renfermer, il grave de l'herbe. 3 ans après, au Hebs, enfermé. Cultive la merde et l'échec tel l'infirmier. Si tu savais comme j'arrive pas à cerner. J'endors pas la nuit, je finis avec des cernes. Le diplôme de l'illogique, je te décerne. J'en peux plus, je vais exploser comme une citerne. Des fois je voudrais me couper tout, faudrait que j'hiberne. Je sais t'ouvrir les yeux, mais t'as la conscience inerte. J'aimerais que tu penses à moi quand tu fais viscère. Avec désolation, j'observe ta décadence. En moi, fort sentiment d'impuissance. Jour après jour, j'espère la délivrance. Avec impatience, j'attends une prise de conscience.